Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Et donc ce matin, je vais simplement vous encourager à regarder un petit peu à nos agissements, nos actions, nos paroles, nos attitudes. Parce que je crois que Dieu veut toujours nous rappeler les choses. Car souvent on peut servir Dieu, mais en même temps ne pas prendre en considération certaines choses importantes de notre vie. Parce que rappelons-nous, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à construire et non pas à détruire. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous sommes appelés à construire, à édifier, à encourager, à exhorter. Nous ne sommes pas appelés à détruire. Amen. Nous savons tous que le Seigneur nous a délivrés de la malédiction de la loi. Nous savons, la parole de Dieu le dit, nous avons souvent partagé des messages concernant le légalisme et combien le Seigneur veut nous rendre libres, oui ou non ? Souvent. Mais souvent, peut-être que nous ne réalisons pas, mais nous agissons, nous parlons, nous avons des attitudes qui démontrent que finalement, le légalisme est encore collé à notre peau. Il ne suffit pas de savoir ce que Dieu a fait, ce que Jésus a accompli à la croix. Il ne suffit pas de savoir, de l'enseigner à d'autres. Mais je pense que c'est important pour nous de vivre la réalité et de permettre à Dieu de nous libérer, de nous enlever en nous toute forme de légalisme. Parce que le légalisme ne construit pas, ça tue, ça détruit. Le légalisme, je répète, détruit. Détruit la vie des gens, tue. Le légalisme ne construit rien. Et bien que nous ne voulons pas que le légalisme forme partie de nous, mais ça a une tendance souvent à revenir. C'est pourquoi la connaissance, c'est une chose. Connaître, faire un enseignement sur la liberté, par exemple, sur la grâce, sur notre libération de la malédiction de la loi, c'est très bien de faire toutes sortes d'enseignements. Mais à la fin du jour, comment est-ce que nous avons agi pendant la journée vis-à-vis d'une circonstance, d'une situation, de quelqu'un, de notre frère, de notre mari, de notre femme, enfin qu'importe quoi. Nous vivons et nous avons besoin de faire face à toutes sortes de choses dans la vie, oui ou non. Toutes sortes de situations. Notre travail, par exemple. Nous pouvons être tellement, tellement légalisme dans la manière de voir les choses. Et pourtant, si nous demandons à cette même personne, c'est quoi le légalisme ? Il va me donner une définition absolument parfaite du légalisme. Oui, il va me dire exactement ce que c'est. Il pourra même me faire un enseignement là-dessus et me donner les versets qu'il faut pour m'enseigner concernant le danger du légalisme, la libération de la malédiction de la loi, pour moi, il peut faire peut-être tout à la perfection, en me citant la parole de Dieu, enfin tout. Mais à la fin du jour, comment est-ce que j'ai vécu ce que j'ai compris ? Comment est-ce que je vis tous les jours ? Selon ce que j'ai compris, selon ce que j'ai été enseigné. Donc ce matin, je voudrais vous encourager un petit peu et qu'on réalise que le légalisme, c'est une attitude, souvent. Souvent, nous voyons que par notre attitude, la manière qu'on réagit, la manière qu'on prend quelque chose et qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on conçoit qu'une chose doit être faite, comment est-ce qu'on gère une situation, quel est le genre d'opinion que nous avons concernant un problème, une difficulté. C'est tous les jours de notre vie. C'est 15 fois par jour. Y compris que le Seigneur vraiment nous donne le cœur de Jésus dans toute situation. Et qu'on puisse voir et vivre et ressentir qu'après tout, toute notre connaissance et tout ce qu'on peut avoir comme bagage biblique, après tout, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est la manière qu'on réagit vis-à-vis des situations. C'est ça qui est important. Parce que c'est le cœur du Seigneur que nous avons besoin de transmettre. Et non pas simplement une théorie. Les théories, c'est très bien la théorie. Mais finalement, c'est le cœur qui compte. Oui ou non? C'est notre cœur. Comment on voit une chose, comment on agit vis-à-vis d'une situation. Un frère, une sœur, un problème. Allô? Et souvent, on peut tout gâcher, on peut tout détruire à cause de notre réaction, notre attitude, notre légalisme. Si on va un petit peu à la profondeur de la situation, on verra bien que c'est de la loi qui est en train de se manifester. C'est le légalisme qui est en train de prendre en contrôle notre vie. Et nous ne réalisons pas les dégâts que ça peut causer. On peut même être scripturaire légaliste, d'une manière légaliste. Scripturaire. Nous balancer quelque chose dans la Bible. Et en même temps, il n'y a pas de cœur derrière tout cela. Il y a simplement une théorie, une application d'un verset biblique. L'application d'un verset biblique. C'est pourquoi Dieu a besoin de faire une œuvre dans notre cœur. Dieu a besoin de continuer une œuvre dans notre vie. Je crois que nous tous, nous voulons travailler avec Jésus, non pas contre lui, mais avec lui. Oui ou non? Travailler avec lui, pas contre lui. Et souvent, on croit qu'on a bien fait. Oui, parce qu'on a utilisé la Bible, on a utilisé l'expérience de quelqu'un, ou même notre propre expérience dans le passé. Et on vient et on déballe quelque chose. Et la personne, elle ne ressent rien. Finalement, peut-être qu'elle peut sortir de là, découragée, condamnée. Transportant un fardeau additionnel dans notre vie. Comment ne pas faire attention, mes frères et sœurs? Comment ne pas vivre simplement par les principes, la logique? Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est moi vous montrer quelque chose ce matin. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne veut pas simplement emmener une théorie. Il ne veut pas simplement que nous puissions faire ce que la Bible dit. Parce qu'en faisant souvent ce que la Bible dit, on peut détruire les gens. Très facilement. Très, très facilement. Et là, ce qui se passe, c'est au lieu de construire, on détruit. Au lieu de travailler avec Dieu, on travaille contre Dieu. Parce que comme on a entendu ce matin, c'est moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre. Peut-être qu'on ne voit rien, mais Dieu est à l'œuvre. Oui, il est à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous qui sommes là. Il est à l'œuvre. Malgré que demain, vous pouvez entendre que quelqu'un est tombé, mais Dieu est quand même à l'œuvre. Il est quand même à l'œuvre. Mais notre légaliste ne voit pas comme ça. Notre légaliste ne voit pas de la même manière que Dieu voit. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît comment prendre quelqu'un dans un endroit et emmener dans un autre endroit. Lui, il connaît. Nous, on ne connaît pas. Si on avait affaire à la chose, on aurait détruit tout le monde. Par notre légalisme. Oui ? Dieu est à l'œuvre et Dieu est capable. C'est pourquoi il faut avoir un cœur, les yeux du Seigneur. Jésus, la parole de Dieu nous dit, il a confondu beaucoup de gens. Il a emmené la confusion dans la vie des pharisiens, oui, des docteurs de la loi, de tout le monde. Il a emmené une grande confusion. Parce que la manière que Jésus a vécu, et les paroles qu'il a dites, le cœur qui s'est manifesté, l'amour qui s'est manifesté de lui, de sa part, a confondu beaucoup de gens. Pourtant, il a dit des choses, franchement, ben, droites, claires, simples, directes. Pourquoi on a besoin de grandir ? Pas grandir seulement dans la connaissance. Non, la connaissance enfle. Elle enfle, elle nous fait devenir orgueilleux, plein de nous-mêmes, plein de nous-mêmes. Moi je connais. Oui, on peut connaître et détruire les gens en même temps. On peut connaître beaucoup de choses et faire tellement de choses contraires à ce que Dieu aurait fait, dans toute notre connaissance. Hein? On a toujours dit, c'est tellement facile de venir avec un verset biblique et essayer de prouver quelque chose. Prouver quelque chose. Ramener quelqu'un dans la voie du Seigneur avec un verset biblique. Carré, clair. Hein? Mais non. Dieu a besoin de faire une œuvre dans notre cœur. Nous emmener à nous humilier. C'est l'humilité qui va nous emmener à de plus en plus avoir le cœur du Seigneur et être libéré du légalisme, de la loi, de la manière de faire des choses, de la manière d'entreprendre des choses pour Dieu. Et souvent, on ne comprend même pas la manière que Dieu pense, la manière que Dieu voit, la manière que Dieu conçoit une situation. Ouais. Dieu est capable de permettre que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un pour le retirer de là et de l'emmener là-bas. Mais nous, on ne voit pas la même chose, on ne voit pas de la même manière. Nous, on ne comprend pas pourquoi cette personne-là a traversé ce moment-là et est dans son état. Mais Dieu est au courant, mais nous, on n'est pas au courant. C'est quoi ça? C'est du légalisme pur. Pur. Tu es capable de faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est son choix. C'est sa décision. C'est sa manière de voir. Hein? Et que ce soit bien ancré dans notre cœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Et dans l'esprit, on peut avoir maintenant nous-mêmes cet état de cœur. On ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi ? Mais arrête de ton pourquoi ? Prends la situation dans l'esprit. Il y a des choses qui ont une grande valeur pour nous aujourd'hui, mais n'ont aucune valeur pour Dieu. On comprend ce que je dis ? Il y a des choses qui paraissent tellement sérieuses pour nous que pour Dieu, c'est rien. Rien pour Dieu. Rien. C'est pourquoi on parle contre Dieu. Quand on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans une situation. Finalement, au lieu de parler pour Dieu, on parle contre Dieu. Finalement, on se dit, ah ben, on n'est pas d'accord avec ce que Dieu est en train de faire. On n'est pas d'accord. Qui sommes-nous pour ne pas être d'accord? Qui sommes-nous? On est quoi? Pas d'accord avec Dieu? Hein? C'est étrange de penser comme cela. C'est étrange d'avoir une opinion spirituelle comme je suis en train de vous parler ce matin. C'est un peu étrange. Dieu connaît toutes choses, lui. Il connaît tout. Il sait qu'est-ce qui peut arrêter quelqu'un. Il sait qu'est-ce qui peut choquer quelqu'un. Il connaît tout. Et nous, on est comme ces gens dans le naturel qui ne peuvent pas concevoir plus qu'un petit truc comme ça, là, quoi. Hein? Voilà comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent comme ça. Des gens qui n'ont pas un esprit ouvert. C'est pourquoi dans l'esprit, nous avons besoin d'entrer dans une nouvelle dimension et de comprendre que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu nous aime et Dieu a sa main sur notre vie. Et Dieu veut nous attirer vers lui. Et Dieu veut nous prendre dans sa main et nous emmener d'un point à un autre. Et nous avons besoin de coopérer avec Dieu, avec un cœur qui est comme lui, avec la grâce de Dieu, avec tout ce que Dieu a mis en nous. Peut-être que le texte qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5, nous aidera à comprendre la réelle instruction de Jésus ici. Chapitre 7, verset 1, l'évangile de Matthieu. « Ne jugez point afin que vous en soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » On comprend ça? Hein? On vous jugera de la même manière que vous avez jugé. Oh. Moi, je veux me protéger. Ouais. Moi, je veux me protéger. Je veux me sécuriser. Comment? Comment est-ce que je fais ça? C'est la manière dont je juge. Pourquoi? Parce qu'on va me juger de la même manière que je juge. C'est pourquoi j'ai intérêt à porter un regard dans des situations qui est un regard du Seigneur. J'ai intérêt. Hein? J'ai intérêt de parler comme Jésus parle dans une situation. J'ai intérêt d'agir comme le Seigneur agit dans une situation. J'ai intérêt d'avoir une attitude comme le Seigneur a dans une situation. J'ai intérêt. Je veux me protéger. Je veux grandir. Je veux être comme lui. Dans toutes circonstances. Il y a des choses qui nous choquent, mais qui ne choquent pas Dieu. Oui. Il y a des choses qui nous choquent, mais qui ne choquent pas Dieu. Parce que Dieu connaît le produit fini. Il connaît le produit fini. Parce que Dieu voit le cœur, la motivation, le désir qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. C'est ça que Dieu regarde. Mais nous les hommes, on a tendance à vouloir regarder qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est l'importance? Parce que Dieu est capable de tout restaurer, de tout remettre en ordre. Tout. Extraordinaire, hein? Il est capable de tout restaurer et tout remettre en ordre. En seul instant. Seul moment. On continue? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oh, qu'on comprenne cette instruction une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Terminé. Que ce soit écrit. Et malheureusement, on lit la Bible, on accepte ce que la Bible dit, et on peut prendre ce verset-là et l'enseigner à n'importe qui. Mais comment est-ce que nous allons réagir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un homme, mari, femme, frère, sœur, n'importe qui? Comment? Et souvent, notre réaction, notre attitude, notre langage dépend de, allons dire, de la grandeur du légalisme qu'il y a en nous. Ouais. Et on ne réalise pas. Ça dépend de combien, quelle quantité, si on peut parler ainsi, quelle quantité de loi, de légalisme agit en nous pour qu'on puisse parler de telle manière. Ouais. Et souvent dans notre désir d'aider, dans notre désir peut-être d'aider, on détruit. Mes frères et sœurs, si nous savons qu'il y a un mouvement de Dieu, il y a un mouvement de restauration, si nous savons qu'il y a un mouvement de la part du Saint-Esprit pour réunir le peuple de Dieu, pour nous emmener dans l'unité d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, nous avons besoin de transporter un cœur qui est celui du Seigneur. On est renversé par une situation, Dieu ne bouge pas. Il est en contrôle. Dieu est en contrôle de tout, alors on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que je dis. Non. Je dis qu'il y a d'autres choses que nous avons besoin de faire, nous. Il y a d'autres choses que j'ai besoin de faire, moi, pour vraiment aider la personne. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Tu n'aperçois même pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite. Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Comment peux-tu dire ça à ton frère? Hein? Hypocrite, ôte premièrement la paille dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors tu verras comment. Au fait, ne t'occupe pas de ça du tout finalement, ce qu'il dit. Ne t'occupe même pas de ça. Prends soin de toi-même en premier. Oui, c'est bon? Prends soin de toi en premier. De toi. Et ça nous évitera beaucoup de problèmes. Oui. Et ça évitera l'Église de beaucoup de problèmes. Et ça t'évitera beaucoup de problèmes. À toi-même, à l'Église, aux autres. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, quand un frère ou une sœur fait quelque chose de mal, moi je dis que c'est très facile pour quelqu'un, pour nous, de dramatiser la chose. Et souvent quand on regarde une situation, c'est comme si que pour nous, quelqu'un avait renié le Seigneur. Qu'il avait abandonné. Oui. Il a commis un grand crime. Hein? Et Est-ce que je suis en train de minimiser le péché? Non. Je suis en train de parler de l'attitude qu'un homme, une femme, un chrétien doit avoir vis-à-vis de la chute ou de quelque que ce soit qui se passe dans la vie de quelqu'un. C'est tout ce que je parle. Et c'est très facile, mes frères et sœurs, moi je vous dis, c'est très facile d'avoir une attitude de critique, de jugement, quand nous ne sommes pas à la place de cette personne. Quand nous ne sommes pas à la place de quelqu'un qui est tombé, c'est facile pour moi et pour toi et pour nous tous d'avoir un changement d'attitude. On a compris ce que je dis ? Un changement d'attitude vers cette personne. C'est normal, vous trouvez ? Mes frères et sœurs, on a besoin de comprendre beaucoup de choses. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la vraie justification. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la sanctification. On a besoin de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu et qu'est-ce que c'est que la repentance. On a besoin de bien comprendre l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Comment ça se passe? Comment Dieu est à l'œuvre? Qu'est-ce qu'il fait dans le cœur de quelqu'un? Comment est-ce qu'il agit dans le cœur d'un homme ou d'une femme? C'est trop facile. Trop facile d'ouvrir notre bouche et de parler. Voilà ce que le frère a dit, voilà ce que la sœur a dit. Oui, j'ai entendu parler, il y a un frère qui est venu me voir pour me dire que chez toi, tu as dit... Mais on ne va pas arrêter avec ce genre de palabres. On va construire ou on va détruire. Contactez CTMI au plus 33 6 28 05 67 89 ou visitez www.ctmi.org.